La nuit des temps, Radio Duo. Sont les deux cofondateurs d'un studio à Paris qui s'appelle Soda Sound. Zola y a d'ailleurs enregistré son second et excellent album qui s'appelle Survie. C'est aussi l'histoire de deux frangins qui signent leur production musicale sous le nom de Marius et César. Alors oui, on se croirait un peu dans un vieux film de Marcel Pagnol. Et pourtant, ce n'est pas Marseille. Nous sommes bien à Paris. Et soudain, c'est toute la dance de la fin des années 2010 qui ressurgit dans ce groove. Les percussions et les machines de Marius et César. C'est l'heure du dinosaure disco. Et c'est notre powerplay de la semaine. Marius et César. La nuit des temps, l'international de la danse. Un ami de João Gilberto. Il était parmi les musiciens brésiliens qui ont participé aux prémices de la bossa nova dans les années 50. Et c'est ce mélange fou, complètement fou de la bossa avec les rythmes caribéens qui fait tout le sel de la musique de João Donato. Et puis dans les années 60, son installation aux États-Unis lui permettra de travailler avec d'autres musiciens et il s'ouvrira encore plus à d'autres influences dont le jazz, le funk, la soul. Il est repris aujourd'hui par de nombreux DJ ou dans le hip-hop, avec Tribe Called Quest par exemple. Et là on le retrouve ici en 1962. Nacuela Baz, Rio de Janeiro, l'immense João Donato. Penny. La nuit des temps, Radio Dio. C'est ça, Yagré. C'est ça, Yagré, et ça, Yagré est une immense bassiste. Son papa jouait de la trompette pour Aretha Franklin ou même Ella Fitzgerald. Et puis sa maman dirigeait une école de musique à Toronto. C'est donc l'histoire d'une productrice qui oscille entre avant-garde, bricolage post-punk et groove. Les formats de ses sons sont indéterminés, mais tout s'offre un groove plus ou moins déstructuré. Et ça vous donne grave envie de décoller vers les étoiles. Et les étoiles à la nuit des temps, on connaît. D-Pad 33, c'est le titre. Saya, c'est Saya Gray. I had to fight for a year, tooth and nail, blood, sweat, and leather every night. No sleep. Bus, club, another club, plane, next flight, no sleep, no beer, no relief. Elle joue régulièrement au Badaboom à Paris. Elle a son programme sur la radio berlinoise Hör. Hören, comme écouter en allemand. Sous Run. Alors on écoute et on danse avec Olympe 4000, car nous sommes à Paris et nous sommes en 2024. retourne en Allemagne. On va à Berlin, plus précisément. On file au Iwerk ou au Planet and Whale. Ce sont deux célèbres clubs berlinois qui ont également accueilli Paul Kalkbrenner. Et Paul Kalkbrenner, eh bien ça sent bon les années 2000. Ça sent bon la mélodie dans le tech. Il n'a peur de rien ce Paul, pas même de faire des sons directs, émotionnels, avec une ligne évidente de mélodie qui vous parle sans chichi, sans blabla. C'est Platscher. Et nous sommes à Berlin. Nous sommes en 2011. Et ça monte tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. La nuit des temps, l'international de la danse. la chanteuse américano-cubaine Gloria Estefan, un gros problème. Elle a même un énorme problème. Elle ne peut s'empêcher de danser. C'est un vrai problème, ça. Et pour sauver sa peau, eh bien non, elle va pas du tout appeler un DJ, mais le Dr Beat. Et elle continue de danser, en haut du building, le Bacardi Imports, parce que nous sommes à Miami. C'est même le Miami Sound Machine. Thank you. Il joue des marimbas et du vibraphone. C'est un percussionniste hors pair et vraiment, ça, ça se sent. On a cette petite ambiance chaloupée avec pourtant cette rythmique suffisamment bien sentie pour basculer du côté de la dance. Free my mind. Et on en a bien besoin en ce moment. Free my mind. C'est Angelo Aclau. Et nous sommes bien en 2024. C'est la potion magique de Toulouse. C'est toujours à recommencer. Nous sommes en 1977. Et c'est oui, baby. Je crois bien que j'ai trouvé l'amour. mais oui, baby, je crois que j'ai trouvé l'amour. Mais oui aussi, baby, je crois que j'ai perdu l'amour. Et c'est toujours à recommencer, c'est toujours ainsi depuis 1977. Et c'est un petit peu comme ouvrir ou fermer les portes de la nuit des temps. C'est toujours à recommencer, chaque jeudi soir, sur Radio Duo. Ce soir sur notre dance floor, nous avons eu la joie, la grâce, le bonheur de tout recommencer avec l'impératrice qui vient de sortir son nouvel album Very, Very, Very Faster, Stronger, Better, Very Daft Punk. Les ozos de Crazy P, Crazy Penis, comme son nom l'indique. Il y avait également Marius et César en power play cette semaine car ils sont brothers pour la vie. Il y avait aussi Joao Donato. Ça, c'était pour revenir à la base. Les sons déstructurés de Sayagri. Les sons d'Olympe 4000 depuis sa résidence au Badaboom. Il y avait aussi Paul Kalkbrenner, une star dans les nuits berlinoises. Vous avez peut-être connu aussi Senior Coconut pour sa reprise des Daft Punk en Mambo. Le fantastique Angelo Outlaw pour se libérer l'esprit. Et il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant, beaucoup d'esprit. Et on a terminé avec Toulouse, car vous l'aurez compris, c'est le mantra de ce soir. C'est toujours à recommencer. Ça n'en a pas l'air. Ça n'en a pas l'air du tout, mais l'été arrive. Et on a besoin de danser. Danser pour tenir bon. En ces temps de dissolution, eh bien nous aussi, on va se recomposer pour le meilleur. On se donne rendez-vous jeudi prochain dès 20h pour mixer, figurez-vous quoi, mixer le reggae de Ghetto Vibes avec le dance floor de la nuit des temps. C'est un numéro spécial la semaine prochaine de 20h à 22h et même peut-être un peu plus. Ce sera la nuit des temps de Ghetto Vibes. Et avec Alex, eh bien, nous allons naviguer pendant plus de 2 heures sur un festival de vieux titres, soul, dance, qui ont tous été repris en version reggae. Jeudi prochain, en direct sur Duo, la nuit des temps de Ghetto Vibes. On se donne rendez-vous à 20h. Et en attendant, on va danser encore sur quelques bonus. Après un petit coup de Steve Austin, il nous faut ça pour atteindre les étoiles dans le ciel de Saint-Étienne. Car ici, après avoir fait un petit tour du monde, c'est bien Saint-Étienne. C'est d'ici que partent les bonnes ondes de Duo. Restez bien avec nous. Il y a des hertz et des mégas. Buona notte. Salute! Stronger, faster. la nuit des temps, l'international de la danse. Concrete jungle up at night. You can sure enough get on down if you come in.